La délégation du conseil du fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il et de ses membres, conduite par Johnny Hon, co-administrateur général, a visité le Saint-Courant, le palais du soleil de Kumsusan, pour formuler son hommage au grand leader coréen.